Radio Mont-Blanc, l'agenda. Radio Mont-Blanc, partenaire officiel des Pionniers de Chamonix, et on vous offre vos invitations pour tous les matchs à domicile de la saison. Prochain match, c'est demain à 20h. Les Pionniers vont affronter les Gothiques d'Amiens. C'est sur la patinoire Richard Bozon pour gagner vos invites. Comme d'hab, envoyez Pionniers sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47. Découvrez à Annecy le tout premier grand show signé Aria Fresca. Un spectacle puissant, sensible et visuel où l'art se vit pleinement au travers des musiciens, danseurs et acrobates qui se relaient sur scène, ce qui offre un voyage vibrant et surprenant. Rendez-vous demain soir à la salle Pierre Lamy à partir de 20h30. Au programme, une soirée autour de l'album Rose Noire, renouveau enrichi de 3 titres déjà dévoilés du prochain album Rose Jaune. Un univers unique vous attend. Préparez-vous à vivre une jolie expérience. Aria Fresca à Annecy, c'est pour demain soir.